et nous continuer. Avancer jour pour jour de tout temps. Vraiment savoir, c'est vrai doudou. C'est vrai nous faire l'amour en toute franchise. Oh, ouais ça t'est bien. C'est vrai doudou. Qu'elle nous fait confiance. Assis en face la fille en nous qui t'est cachée. Mas ça va pas comme ça. Ne laisse pas passer.